La Voix du Peuple, journal d'internet sud-coréen, a fait savoir que depuis le 15 novembre, le corps de lutte de la Fédération Générale Nationale des Sociétés des Paysans a commencé la marche vers Séoul avec des tracteurs et des camions. Le corps, divisé en groupes de l'Est et de l'Ouest, a dressé sur les tracteurs et les camions les drapeaux et les panneaux de slogans qui exigent la démission immédiate de Bakounet et l'assurance du prix des produits agricoles. Après la tournée dans toutes les régions sud-coréennes, il arrivera à Séoul le 25 et participera à la lutte de mobilisation générale des masses populaires pour la démission de Bakounet prévue le 26.